Maintenant, comparons cette phrase avec « c'est une bonne personne ». Elle est quelqu'un de bien. Alors, elle... Ta... est... shi... bien... hao... personne. Ren... ta shi hao ren. Et maintenant, comment dira-t-on « je suis une bonne personne »? Je... wo... suis... shi... bien... hao... personne. Ren... wo shi hao ren. Alors nous sommes bien entendu tous de bonnes personnes, hein. Comment prétendre le contraire? Alors maintenant dites-moi, nous sommes tous de bonnes personnes. Nous? Women. Tous? To. Sommes? Shi. Bien? Hao. Personne. Ren. Women. To. Shi. Hao. Ren. Et maintenant, dites-moi, lui et moi sommes tous deux de bonnes personnes. Alors, il ou lui? Ta. Et? He. Je ou moi? Wo. Tous ou bien tous deux? To. Sommes? Shi. Bien? Hao. Personne. Ren. Ta he wo dou shi hao ren. Et maintenant, comment direz-vous? Lui et moi allons tous les deux bien. Alors, il ou lui? Ta. Et? He. Je. Wo. Tous les deux. To. Le mot vide. Ren. Allez bien. Donc bien. Hao. Ta he wo dou hen hao. Et maintenant, dites-moi, je vais bien. Alors, je. Wo. Le mot vide. Hen. Allez bien. Hao. Wo hen hao. Alors maintenant, dites, tu vas bien? Alors, tu. Ni. Allez bien. Hen hao. Alors, si vous voulez poser une question en respectant la règle des deux syllabes, rappelez-vous les deux mots qui se promènent ensemble dans la langue chinoise. Quelles sont les deux syllabes que vous allez utiliser? Hao ma. Ni hao ma. Il faut dire ma avec le point fermé et cela donne ni hao ma. Nous avons déjà parlé de ces adjectifs avec l'option moteur, ceux qui incluent le verbe être comme bien ou occupé. Alors comme nous l'avons vu, en chinois, de nombreux adjectifs peuvent aussi servir de verbe et signifier être bien ou être occupé par exemple. Et maintenant, pour donner un sens négatif à ces adjectifs qui ont le moteur être intégré, il suffit de mettre « bu » juste devant. Cela nous indique que le mot est à la forme négative. C'est le frein qui permettra d'arrêter notre moteur. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser le verbe être car il est déjà inclus dans le mot. On ne pourrait plus freiner s'il y avait un deuxième moteur. Donc, on ne pourra pas mettre « 不是 » devant ce genre de mots, devant les adjectifs qui incluent déjà le verbe « être ». Alors dans ce cas, comment diriez-vous « pas occupé » ou « ne pas être occupé » ?« 不 » »« Mang » C'est bien ça, on n'a pas besoin de rajouter « être » « se » car il est déjà dans le mot. Donc « pas occupé » ou « ne pas être occupé » se dira 不忙。 Et maintenant, comment dites-vous, est-ce qu'elles vont bien? Elles? 她们。 Bien ou allez bien? 好。 Le mot interrogatif? 吗？ 她们好吗？ Et maintenant, dites-moi, il va bien, il se porte bien, il... 她。 Le mot vide. Hein. Allez bien. Hao. Ta hen hao. Et maintenant, comment dire? Il ne va pas très bien. Alors, il. Ta. Ne pas. Bu. Très. Hen. Allez bien. 好。 他不很好。 Et maintenant, comment dites-vous, est-ce qu'ils vont bien? Alors, ils? 他们。 Bien. 好。 Le mot interrogatif? 吗？ 他们好吗？ Et maintenant, dites-moi,Ils vont bien? Ils? 他们。 Le petit mot vide? 很。 Bien. 好。 他们很好。